من نعم الله تعالى على الشاب أي أنجن والحدث كذلك. Une personne, il est jeune ou il est nouveau في الدين. والأعجمي الأعجم معروف الأعاجم معروف. C'est les personnes, أي les non arabes. C'est pas un arabe. أن يوفق إلى عالم السنة من أول يوم. C'est une ni'ma عليك. C'est une ni'ma عليك. أنك تطلب العلم عند عالم عند عالم من علماء السنة. خاصة كما ذكر في الآثار كما ذكر في الأثر من أول يوم. C'est une ni'ma أن الله سبحانه وتعالى t'a facilité au début de الاستقامة au début de الطلب أي quand tu commences à أطلب العلم au départ الله توفق عالم السنة. هذه سنة نعمة عظيمة. كم من الناس يزون طلب العلم لكن عند أهل البدع. فالآن هذا الطالب il est obligé de recommencer. Il est obligé de faire attention ce مبتدع qu'est-ce qu'il lui a enseigné. أما أنت من أول يوم تطلب العلم عند عالم من علماء السنة. هذا سنة نعمة. سنة نعمة عليك. فاحمد الله واشكر هذه النعمة بقلبك وبلسانك وبجوارحك فإن شكر النعم من أسباب الزيادة فيها. فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاحمد الله سبحانه وتعالى. كم من الناس محرومون combien de personnes ils ont une bonne niya il veut طلب العلم لكن il a pas les moyens ou Allah il lui a pas facilité ou une raison parmi tant d'autres. أما أنت الله سبحانه وتعالى t'a facilité فاشكر هذه النعمة شكرها ليل نهار. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة كما قلنا يجب عليه العناية والحفاظ عليها. C'est une ni'ma الآن أنت que tu vis tous les jours. الله سبحانه وتعالى celui seul qui t'a facilité. وما بكم من نعمة فمن الله. أنت t'as fait des causes فقط. أما celui qui a facilité c'est الله سبحانه وتعالى. كم من الناس il a fait les mêmes causes que toi. Il a voyagé peut-être. Il a fait les efforts et il n'a pas réussi à arriver. Allah ne lui a pas facilité. Anta t'a fait des causes. Faqat. Faqulna yajib al-inaya wal-hifad ala hadhihi an-ni'ma. T'es obligé anta l'an de préserver et de faire attention à cette ni'ma. Jittan. Jittan. Léan al-ni'am, si la personne ne prend pas soin de cette ni'ma, il ne la préserve pas. Cette ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut lui enlever. فهو عز وجل على كل شيء قدير. Il t'a facilité cette ni'ma, il peut très bien te la retirer pour des raisons. ومن الحفاظ على هذه النعمة أي نعمة طلب العلم من الحفاظ عليها سكت طلب العلم بالطريقة الصحيحة بالطريقة الصحيحة صوت من الحفاظ عليها لأن الآن أنت تشوفي ست نعمة تشوفي بس كتب تلا بخوبا كم تشوفي تلا دلس با كم تشوفي أبدا يعني طريقة يعني ميتود يعني ميتودولوجي تو يعني طلب العلم أساس من الحفاظ على هذه النعمة. فترى بعض الناس مثلا il a eu cette ni'ma il a vécu cette ni'ma لكن pour une raison يعني il a délaissé cette ni'ma et il vit plus cette ni'ma il délaisse طلب العلم والعياذ بالله. لماذا؟ لأن il y a des causes et tu trouveras كثيرا أن parmi les causes أن المنهجية والطريقة elle n'est pas sahiha, elle n'est pas correcte. Il a une bonne niya, il aime l'ilm, il aime l'ulama, lakin la méthode elle n'est pas bonne. Quand tu le trouves une durée de temps Tu le trouves et il va s'user. Il va désespérer. Ça va être trop lourd. Il va délaisser. Mais malheureusement, ce n'est pas qu'il n'aime pas l'ilm. C'est qu'il n'avait pas la manhadir. Il n'avait pas la méthodologie correcte. Enfin, l'ilm, il est devenu trop lourd. Et la personne, il ne peut plus. La première chose, ou une des premières choses qui se concentre, c'est la manhadir. Alaykoum salam. Tu es dans cette ni'ma, tu veux profiter de cette ni'ma, tu es obligé de savoir comment faire, par quoi commencer, c'est quoi qu'il ne faut pas que je fasse maintenant. Wahakada. Falakad akhta'a ba'du talabat al-ilm al-manhajiyya sahiha fi al-talab. Tu trouves un certain frère qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aura facilité cette ni'ma, ils n'ont pas eu la méthodologie correcte. Ça a donné des fruits qui ne sont pas taïb. أثمر ذلك يعني أمور لا تحمد أبدا من ملل وانقطاع ويأس والعياذ بالله. أي certains étudiants يطلبوا العلم لكن ils n'ont pas de méthodologie. فهذا on a dit ça va impliquer des choses. العلم ça va être trop lourd. Il va penser que c'est pas adapté pour lui. Il va croire qu'il n'avance pas. Et il n'avance pas s'il n'a pas la bonne méthodologie. Ça peut le pousser à désespérer et à délaisser. On l'a vu et vous l'avez vu. Une des causes, c'est ça. Tu trouves que tu as des gens qui aiment l'ilm. Mais l'ilm, il a une méthodologie. Et c'est. هذا اليوم avant de commencer notre درس في صفات الصلاة للإمام الألباني عليه رحمة الله on va se rappeler on a répété souvent هذه الأمور لكن كما تعلمون الذكرى تنفع المؤمن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فنحن دائما on essaie de se rappeler هذا لأن تعلمون أن des fois on fait un درس هكذا une كلمة un jour, deux jours, une semaine, on oublie. Là-bas, on se rappelle mais c'est l'humour. Là-bas, tu te remets maintenant, si tu as eu une faiblesse dans Kada, ça te rappelle, tu reviens vers le tariq. Si tu as commencé maintenant un livre qu'il ne fallait pas commencer, tu vas savoir c'est quel livre qu'il faut faire avant celui-là, comment il est après. Assa Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq wa sadat. Qala الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى il va donner le contexte qu'on a cité نحن le problème que beaucoup d'étudiants y vivent هو الآن il va citer ce problème il est معروف من قديم الزمن إلى الآن il est معروف أن بعض الناس يطلب العلم لكن تكم يدوغ يطلب قال حفظه الله كثير من الشباب يقرؤون قراءات متنوعة طارة في الحديث وطارة في التفسير وطارة في الفقه يسمعون ويحضرون مجالس أهل العلم ولكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم فيما حضر سنة أو سنتين إذا رجع لنفسه لم يفهم المادة. الآن إلى الآن problem. الشيخ صالح الآن يتمتغى أن يدي الطلاب يسو موتيفي les étudiants يسو موتيفي ils assistent des cours de savants ربما ça montre que le problème il n'est pas de du professeur du sheikh أبدا là le problème الآن il va venir de lui. الآن الشيخ صالح il dit un an deux ans تعلمون c'est énorme في العلم عليكم السلام un an deux ans. Et tu le trouves, il a beaucoup lu. Il a lu des livres dans le tafsir, dans le hadith, dans le kada. À la fin, s'il fait un bilan, après tout ça, maintenant, au bout de deux ans, il fait un bilan, il n'a pas tout à fait grand chose. Tu peux lui demander l'explication, maintenant, de tafsir al-Fatiha, ou de shahada, ou de une petite mas'ala. avec un talib de 2 ans, il devrait comprendre et pouvoir expliquer. Tu le trouves ce talib au bout de 2 ans, il ne peut pas. Il a compris des choses, mais pas comme un talib qui a la bonne méthode. Maintenant tu vas trouver du naqs, maintenant tu vas trouver des faiblesses. قال حفظه الله لم يفهم المادة التي ألقيت عليه أو رأى أنه لم يحصل شيئا كثيرا. الآن هذا البروبليم. تتخوف أن طالب يغوط في هذا البحر. العلم سيكون منوسيا. فهو يغوط. Il a pas la bonne méthodologie. Tu le trouves les années, elle l'use. Et si tu fais un bilan au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas grand chose. As-sabab, c'est quoi? قال حفظه الله والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم. C'est ça le sabab. Est-ce que cette personne il a une mauvaise niya? On le prend, nous, à la zahir. Inch'Allah, il a une bonne niya. Il s'est déplacé, il a délaissé sa famille, il a fait des efforts, des sacrifices. Inch'Allah, il a une bonne niya. Il n'a pas été forcé. S'il est venu, matalan, ou s'il se déplace dans l'endroit pour étudier, c'est qu'il a une bonne niya. C'est ça, al-asm. Al-an, ce n'est pas la mauvaise niya. Ce n'est pas la volonté, ou il veut. Il a fait des sacrifices. C'est, il veut. Il veut devenir un alim, un grand talib. Lakin, al-sabab, c'est hada. Al-sabab, c'est in'idam al-manhajiyya al-sahiha. C'est qu'il est rentré via dans l'ilm et il n'a pas de méthodologie. Il rentre à Kada. Un jour ici, un jour par là. Un jour il commence ce livre. Le deuxième jour il y a un autre. Il rentre dans ce dors, il délaisse. Ou à Kada les années. À Kada. Ta'lamou l'anna, fi dunya, fi ulum dunya, ils ont des programmes. Ils ont des baramid. Ils ont, matalan, ils ont des cours pour les enfants. Après ils ont des cours. Pour les jeunes, après ils ont des études avancées. Wa hakada. Tu ne vas pas où que tu veux. Matalan anta, une personne, si elle veut rentrer dans les études fait dunya, il ne peut pas s'inscrire directement dans les hautes études. Abadan. Il y a des tests, il y a kada. Enfin, tu es obligé d'avoir un programme. Al-ilm al-shara'i, c'est min hada al-bab. Tu rentres pas où que tu veux. Tu commences pas par ce que tu veux. Abadan. T'as une tariqa. T'as une tariqa. Si tu prends cette tariqa, min al-bidaya, tu commences par ce qu'on va citer, les savants ils ont cité, mais idnillah, tu arriveras à un niveau que Allah subhanahu wa ta'ala il taqadda. Amma hakada taqabbut, tu te feras rubbama plus de mal que de bien. قال الشيخ صالح حفظه الله في نسو كلام والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم لأن طالب العلم لابد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا. الشيخ صالح حفظه الله يقول لابد سي obligatoire si tu veux arriver لابد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا une méthodologie claire. Vous allez voir, celle qu'on va citer, elle est très simple. Tu commences par Kada, tu fais ce dors, tu apprends ça. Elle est très simple, elle est claire. Inda ahl al-ilm. Muhaddad, elle est précise, Kada, elle est très simple. Et tes efforts, Inda, tu les mets dans cette manhadiya, avec cette tariq que, alhamdulillah, la plupart de vous y connaissent. Tes efforts, tu les mets fi hada. On va voir maintenant l'exemple de Hifz al-Qur'an. Al-Hifz, c'est une des choses que Talib al-Ilm il doit donner beaucoup d'importance. Un tel un, si tu mets tes efforts dans le Coran et tu as une méthode, tous les jours une page, Thomas tu récites vers un frère, Thomas kada, Thomas. Fabi'idnillah, tu vas avancer. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as appris le Coran par cœur. Bi'idnillah. Amma, ma balouk anta, une personne il commence surat al-Baqarah. Thomas il délaisse. Il dit je vais reprendre par Juz Amma. Il commence Juz Amma, il délaisse. Thomas. Il veut hafad al-arba'in nawawiyya. Il commence, premier, deuxième, troisième, il délaisse. Thumma bulugh al-maram, 10 hadith, il délaisse. Thumma al-Bukhari, 20, 30 hadith, il délaisse. Hada, tu peux le laisser 10 ans fait talab al-ilm. Il n'arrivera pas à grand chose, fait le hib. Maintenant, il n'a pas de méthodologie. Tu peux le trouver 3 ans, 4 ans, il ne connaît pas l'arba'in nawawiyya. Al-an, c'est quoi le problème? Il a une bonne niya, huwa. Probablement, il est motivé. Lakin, il n'a pas de manhajiyya. الشيطان عدو الله il lui fait perdre son temps من هذا الباب. تعلمون أن الشيطان il fait du mal أو il essaie de faire du mal aux étudiants, aux طلاب من طرق عدة. Parmi ces طرق هذا الضياع والتخبط. Un jour هنا, un jour هنا. Tu le trouves quelques années, il n'y a pas grand chose. هزيل وضعيف صلى الله عليه وسلم. راجع كلام شيخ صالح من المنهجية في طلب العلم. شيخ صالح للشيخ وفقه الله وحفظه إلى عناية جدا بهذا, إلى عناية جدا بهذا, لأنه إلى كبخي حفظه الله أن سا سلكلي avec l'ikhlas, la motivation et t'as la manhajiyya, t'as la méthodologie, bi'idnillah, t'arriveras maratib al-ulama bi'idnillah azza wa jalla, si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Le Cheikh Salih il a une inayat jiddan bihada. Parmi ses rasail al-manhajiyya fi talab al-ilm, c'est une risala tayyiba, c'est une risala tayyiba fi talab al-ilm, il te montre et nous stafadna minha fi ba'd al-umour hafidhahullah. فلا يسلم طالب العلم من هذه الآفات كنا سيتي طالب العلم سي veut s'écarter de ces آفات. الآفات c'est les obstacles, c'est quelque chose qui te fait du mal. Si tu veux t'écarter de ces choses qu'on a citées, aïe, tahabbut, aïe, t'es pas organisé, ou délaissé, ou al-ayadu billah, ou désespéré. Si tu veux pas tomber dans ces choses, tu dois revenir à la manhajiyya sahih. هذا لابد. أما si tu délaisses la manhajiyya sahih, لا تسلم. إما انقطع كلي, وال-ayadu billah, tu délaisses tout. إما tu délaisses pas, لكن t'avanceras pas comme il faut. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, peut-être que tu auras le niveau de six mois d'un frère qui a la manhajiyya correcte. Ou désespéré, ou l'ayadu billah. Toutes ces choses, c'est grave et ça fait du mal au talib. Titan. Qala al-imam Abu Umar ibn Abd al-Barr, rahimahullah, fi kitabihi al-Nafi' Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. هذا سان كتاب عظيم. الآن vous allez voir que les paroles de savants qu'on va citer, أن العلماء يدونين عناية جدا هذا علم. Comment طلب العلم, vous allez voir الآن tout ce qu'on va lire, أن العلماء يدونين l'importance. فأنت أيها الطالب النصيحة, c'est avant que tu rentres dans ce bahar, avant que tu rentres dans cet océan, l'océan du علم, apprends par où rentrer et comment faire, sinon tu vas te noyer. Mais bah alors quand tu prends une personne, il ne sait pas nager, tu le mets au milieu de l'océan, laisse-lui quelques minutes, toi, il se noie. Mais bah alors l'ilm, بعض الناس يغنت هكذا, il sait pas où qu'il est, il se fait du mal, il se fait du mal جدا. Les ulama ils ont donné de l'importance, فأنت أيها الطالب donne de l'importance à هذا. والله celui qui donne une semaine, un mois, deux mois, six mois, يعني il comprend bien ces choses, والله c'est pas du temps perdu أبدا أبدا. أما celui qui rentre directement, il sait pas où aller, six mois il va revenir au début, si Allah il le وفق il revient au début. أما ça peut être pire, أنه il délaisse six mois, il délaisse, il pense que l'ilm c'est une chose inaccessible, il délaisse. Shaitan il lui fait croire هذا. La cause, la méthodologie elle est pas bonne. قال ابن عبد البر رحمه الله طلب العلم درجات ومناقل ورتب. اولا tu dois comprendre انت هذا ان طلب العلم il y a des niveaux, درجات, il y a des degrés. العلم c'est pas une chose, tu viens 5 minutes c'est bon, لا ابدا. العلم il y a des درجات. Tu vas voir qu'il y a des petits livres, il y a des livres يعني متوسط كتب متوسطة, un niveau il est moyen. T'as des livres, ils sont beaucoup plus difficiles, des gros livres. Anta talib al-ilm, awalan tu sais que l'ilm c'est pas une chose. Là, l'ilm c'est des degrés. Tu vas trouver des choses simples pour les débutants, des choses yani au-dessus du niveau des débutants. Tu vas trouver des choses, c'est pour talabat al-ilm, celui qui a des années il a akhiré. Hakada jusqu'à que la personne bi'inna il atteint le niveau des savants. هذا c'est des années, la route elle est longue. Au bout d'une semaine, khalas, il veut comprendre ce qu'un savant il a compris. Hada, il n'a pas compris grand chose. Qala ibn Abd al-Barr, talab al-ilm darajat wa manaqil wa rutab, la yanbaghi ta'addiha. La yanbaghi ta'addiha. L'imam Abd al-Barr, un, il te montre que si tu ne restes pas à ta place, tu vas te faire beaucoup de mal. Qala wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabil as-salaf rahimahumullah. Vous allez voir qu'ils ont une méthode. Celui qui ne prend pas cette méthode, un, il contredit la voix des salafs. Et celui qui contredit la voix des salafs, c'est grave. Qala wa man ta'adda sabilahum amidan dhalla wa man ta'addahu mujtahidan zalla. Naam. Si c'est exprès, volontairement, hada, c'est grave, c'est un dhal. Et khalif al-salaf, yani, volontairement, hada, c'est une porte d'égarement, wal'ayadu billah. Lakin, ça peut être min bab l'ijtihad. Il pense que kada, ça sera bab al-zalal. Ça sera bab la faute, tu vas te faire du mal. Walaou, c'était pas volontaire. Lakin, tu te feras du mal. Wa qala l'imam al-Uthaymin alayhi rahmatullah min al-ma'loum. أن الإنسان إذا أراد مكانا فلا بد أن يعرف الطريق الموصل إليه. شوف العثيمين الآن يدون une image, un exemple avec الدنيا. Si tu veux te déplacer d'une ville à une autre, t'es obligé de connaître الطريق. Sinon tu peux te faire du mal. Tu peux perdre un temps énorme. Tes provisions elles peuvent يعني t'as plus de provisions. Bah, tu vas te faire du mal. أما celui maintenant il connaît الطريق. Il part de Dammat, il veut aller à Sana'a. Il connaît le tariq. Eh bien, idnillah, peu de temps, et ses provisions, elles vont lui suffire, il arrive au point voulu. Il arrive au but. Hakad al-ilm. Un, tu rentres dans l'ilm, la route, elle est longue. Tu es obligé de connaître la route, le chemin. Comment je fais pour arriver? Mais idnillah, est-ce que Allah m'a qaddar? Comment je fais? Et tu vas voir qu'il y a une tariqa. Mais celui qui n'a pas de tariqa, il va se perdre. Il va se faire du mal. Titan. Et il peut délaisser le voyage. Il revient. Il dit Anna, je ne sais pas la route. Et il arrête. Voilà, c'est ça l'âne qu'il essaie de nous montrer. Qui nous montre, Cheikh Ibn Uthaymeen. Qal wa ida ta'addad al-turuq wa innahu yabhat an aqrabiha wa aysariha. Ça, c'est mohim. Anna, ahyanan, tu te déplaces, tu as plusieurs routes. Tu as une route, elle est beaucoup plus longue. Tu as une route, elle est plus courte. Tu as une route, elle est plus longue, mais elle est moins dangereuse. Fa talib al-ilm, il regarde. Al-Aysar, le plus simple et le plus court. Et ça, on le voit. Maintenant, un talib pour apprendre le Coran, il met un an. Un autre, il peut mettre 5 ans. Peut-être que la tariqa, c'est pas la même. Un frère, pour finir un livre, maintenant, le comprendre, il met 2 mois. Un autre, un an, il n'a pas encore compris. Regarde la tariqa. Il a pris une méthode qui n'est pas bonne. Peut-être qu'il va comprendre le livre. Lakin, le livre, normalement, il faut 2 mois. Il a besoin d'un an. Et ça, l'âne, 2 mois et un an, c'est pas pareil, il y a 10 mois de différence. Andor, l'âne, cette personne, il aurait la bonne manhadiya en 10 mois. Le ilm, et les doros, et les choses qu'il peut apprendre en 10 mois. Lakin, l'âne, vu que la méthodologie n'est pas bonne, un an, ça équivaut à 2 mois. Hada c'est pas taïb. T'as l'insan, sa vie elle est courte. Tu sais pas combien de temps tu vas te lever l'ilm. La personne, il essaye de profiter le plus possible. قال شيخ ابن تيمية لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه على أصول إلى آخره. سيأتيها كلام شيخ ابن تيمية استفدناه من كتاب العلم. كتاب العلم للشيخ ابن تيمية رحمه الله. C'est un كتاب طيب. Il te montre beaucoup de choses que tu as besoin dans ton طلب. Il te montre beaucoup de choses que tu as besoin dans ton talab, que ce soit manhadiya, il y a des fatwas muhimma, les livres qu'il faut étudier, les livres. Ça, c'est un kitab, yani jamil. Fal'al, nahnu, on a cité cette muqaddima, cette introduction, pour montrer l'importance d'avoir une méthodologie pour talab al-ilm. Al-manhadiya, الصحيحة في طلب العلم c'est مهم. نحن الآن tout ce qu'on a cité من كلام أهل العلم c'est من هذا الباب. الآن c'est quoi المنهجية؟ Une personne الآن il peut se demander أنا الآن je suis convaincu il faut une méthodologie. On ne peut pas apprendre comme ça désorganisé أبدا. الآن قد يقول قائل يعني ما هي المنهجية؟ أولا الإخلاص لأن si tu rentres في هذا العلم et t'es pas مخلص ça sera une حجة contre toi القرآن حجة لك أو عليك لأن هذا العلم c'est une عبادة فالle but c'est أنت تطلب العلم et t'adores الله سبحانه وتعالى et parmi tes adorations هذا العلم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال عز وجل فالعلم c'est une عبادة فالسلوي كي يتدي هذا العلم إلى أبلج ذات مخلص إفسال الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه النافع عدب الطلب كذلك هذا من المراجع في هذا الباب c'est une référence dans طلب العلم هذا الكتاب عدب الطلب للإمام الشوكاني ولله الحمد on l'a lu avec الشيخ يحيى وفقه الله قال فأول الإمام الشوكاني يقول فأول ما على طالب العلم أن يحسن نيته ويصلح طويته أول شيء تطلب العلم سلله لأنه سن عبادة لكن اعلم أن الطالب في بداية الأمر يبقى بعض البروبلم في هذا في بداية الأمر طالب العلم سنية البيض ضعيفة خاصة سيلي جون سيلي كذا فتو تخوف أن النية لبا صافية كم عالم أو كم طالب علم يعني كذي زني ففي هذا الحال لا بيرسون يصبر La personne y espère et jour après jour il se corrige. Ça ne veut pas dire qu'au début tu as une faiblesse, tu délaisses, tu dis moi ma niya elle est pas bonne, je délaisse. Abadan, ça c'est min madakhil ash-shaytan. La chaque qu'au début ta niya elle va pas être une niya comme un alim, la chaque fi hada. Lakin jour après jour tu te corriges. Wa'lam anna l'ilm que tu vas apprendre, les dorus que tu vas faire, ça va te corriger ta niya. Au début, si tu as une faiblesse dans la niya, ça arrive. لكن اصبر بإذن الله شكوغيش تانياش وابخزو قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله ما علشت شيئا أشد علي من نيتي يدي جي با كوغيجي اون شوز بلو ديفيزيل بور موا كما نية سي ديفيزيل او ديبي سي ديفيزيل او ديبي لأن cette niya elle est basée sur l'ilm انت تي نوفو تا با د علم فلا شك que la niya au début tu peux avoir une faiblesse لكن Toi, tu sais que ce ilm c'est l'Illah et bi'idnillah, t'ajtahid. Tu t'écartes de al-riya, tu t'écartes de matami al-dunya et petit à petit, bi'idnillah, si t'es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il te waffaqa, il te donnera une niya hasana. رحمه الله الإمام الشوكاني نكمل قال ويتصور أن هذا العمل الذي أراده هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده كذلك أنت سعيل يفوت بيان كومخوند كس الشرع الله الآن طلب العلم الشرعي سبا علم الدنيا لا الآن تبا اتدي كلام الله وكلام الرسول La personne t'a l'aimé, il doit bien se rendre compte de هذا. أنك t'es rentré dans une chose azime. C'est pas comme علم البشر. Les mathématiques, la géographie, كذا. Ça c'est علوم البشر. أما الآن أنت تبا étudier كلام رب العالمين. وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. فت'es obligé de te rendre compte de ça. Ça va te pousser à quoi? أنك tu parles pas إلا بعلم. Si تتصور ما قاله الإمام الشوكاني tu vas voir que tu parleras pas illa bi'ilm لأن tu sais que t'as un طالب علم et ce que t'as appris c'est دين الله فلا يجوز que tu parles أو tu propages illa علم الله سبحانه وتعالى هذا c'est مهم فمثلا تطلب العلم تطلب العلم une personne il te pose une question لا يجوز que tu réponds illa si t'es sûr Si tu es sûr, par le délil. Ibn Allah, si la personne il a besoin, tu lui réponds. Tu lui montres. Tu ne sais pas, Allah alam, là, tu vas te faire du mal. Et tu parles au nom de Dine. Tu ne parles pas au nom de toi. Mais tu as l'awam ou le juhal. Ils savent que tu as talib. Pour eux, tout ce que tu dis, c'est du din pour eux. Eux, ils ne savent pas est-ce que tu as raison ou tu as faux. C'est sahih ou da'if. Ils ne connaissent pas. Hein. Tout ce que tu leur dis pour eux, ça va être min dinillah. Fattaqillah. Fattaqillah. Fattaqillah. Si tu ne sais pas, Allahu alam. Si tu as un doute, fais des recherches. Demande à une personne qui a plus de ilm que toi. Hatta yaftah Allahu alayk. النية النية مهم في طلب العلم كذلك التقوى كذلك التقوى التقوى فعل الأوامر وترك المناهي توصل لله c'est ça le taqwa c'est que tu fais les obligations tant que tu peux et tu t'écartes des interdits pour Allah subhanahu wa ta'ala فطالب العلم il doit avoir هذا et doit حقق تقوى الله le plus possible لأن الذنوب tu verras qu'elles te feront du mal. Les péchés, ça va te faire du mal, dites-le. Qala Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman, radiyallahu ta'ala an, qala inni la ahsabu ar-rajul yansa al-ilm, kana ya'lamuh lil khati'ah ya'maluha. Ibn Mas'ud, il nous montre que parmi les causes que la personne oublie, l'ilm, maintenant ça arrive, tu as étudié une chose, tu l'oublies. Mais l'asbab, c'est un péché que tu as fait. Le péché que tu as fait, ça a été la cause que Allah subhanahu wa ta'ala il te fasse oublier cette masala. Limada li anna l'ilm, c'est nour. Hada l'ilm, c'est un nour, c'est une lumière. Les péchés, ça contredit cette lumière. Enfin, plus la personne y fait des péchés, plus il va éteindre ce nour, cette lumière. Enfin, طالب العلم يفعل bien attention à هذا يسكت بكل ما يستطيع des péchés si glisse يتوب الى الله يعني la personne elle n'est pas معصوم tu glisseras لكن dès que tu glisses انت la personne il regrette et il fait التوبه بشروطها et inshallah il sera على خير قال الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والله تعالى جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يثبت ان الله سبحانه وتعالى parmi les châtiments la punition qui donne à ceux qui font des péchés سلب الهدى سلب c'est tu retires il retire la guidée à fulan ou il lui retire l'ilm la cause الذنوب الآن ستكسبليك هذا pourquoi des personnes ils étaient في طلب العلم والعياذ بالله دلس et retombe dans les معاصي السبب c'est الذنوب tu trouveras que tu sais ou tu sais pas hein, peut-être que le dhamb tu sais pas lakin si tu viens à chercher tu trouveras qu'il y a un dhamb là-dessus il y a un péché ce péché ça a été la cause il s'égare il délaisse l'ilm et il délaisse le huda والعياذ بالله فالنية النية النية الخالصة لله et la personne دائما il travaille on a expliqué nous أن au début ta niya peut-être que tu auras des faiblesses lakin anta i'lam أن cette niya jour après jour tu travailles cette niya et tu la renforces خاصة avec دروس العقيدة et التوحيد بإذن الله si t'étudies العقيدة des salaf et t'étudies le التوحيد بإذن الله ta niya jour après jour elle se renforcera بإذن الله الحذر الحذر مما يضاد ou ينقص هذه النية طالب العلم doit faire très attention des choses qui vont diminuer cette niya ou qui vont faire du mal à cette niya خاصة المطامع الدنيوية attention طالب العلم il étudie pas العلم الشيطان il le وسوس أنه il veut une place ou il طلب العلم je vais devenir imam et peut-être que j'aurai un salaire كذا ou je vais donner des doros et j'aurai un salaire كذا ou il veut la être connu هذا c'est pas إليك هذا اطلب العلم اطلب العلم tu deviens عالم t'es connu ou t'es pas connu هذا c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut أما cette niya je طلب العلم parce que je veux qu'on dise je veux qu'on parle de moi et l'akhir ça c'est une niya qui fera beaucoup de mal au talib أنت اطلب العلم لله رب عالم والله il est pas connu عند الناس c'est من أولياء الله عز وجل tu trouves une personne peut-être il n'est pas connu عند الناس il a créé c'est un عالم من علماء السنة et يوم قيامة il sera avec العلماء tu trouves واحد il est connu publicité tout le monde parle de lui كذا كذا والله c'est un جاهل tu trouves hein? ils l'ont gonflé volant tu trouves c'est un جاهل tu trouves un autre عالم من علماء السنة فالناس il n'est pas connu عند الناس النية النية La personne est sahih al-niyya jour après jour. Jour après jour, khassatan bit tawhid et bit du'a. Il fait du'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuslih niyyatah. كذلك من المهم لطالب العلم après bien sûr on a cité la première chose la niya كذلك اختيار المعلم السني الصالح العلم tu t'étudies pas vers n'importe qui لا العلم الى اهله il a des personnes spécifiques في العلم qui vont te montrer, qui vont t'expliquer. T'expliquer un livre, il a akhiré. Amma tu t'lab l'ilm inda man hab wa dab. Kama yab'al ba'd al-nas ta ta'adjab. Il étudie ce qui est foulan, ma yadri. Ce qui est foulan. Maintenant, il se déplace dans un pays, il étudie inda foulan. Akhi, ce qui est foulan, il ne sait pas, ma yadri. Hadi l'an, c'est une mosiba. Si c'est un innovateur, qu'est-ce que tu vas faire? Il va t'égarer. Tu es parti pour t'lab l'ilm, tu vas t'lab le bid'a. Et tu vas finir comme lui. Wal'iyadu billah. La personne, au départ, il recherche bien al-mu'allim al-salih. Il recherche l'endroit où il y a l'ilm al-nafi'. Pas que là, il fonce. Ba'dan-nas, ils ont foncé au début, ils regrettent l'an. Ils regrettent. Des années, il a perdu avec un mubtadi'. Combien de choubah? Combien d'ambiguïté il a l'an? L'an, il faut se nettoyer à zéro. Ça, c'est celui qu'Allah yuwaffaq. Si, wal'ayadu billah, il ne s'égare pas. Fa, ikhtiyar al-mu'allim al-salih. الصالح هذا لا بد منه قال محمد بن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم انظر وصية السلف محمد بن سيرين من أئمة السنة من أئمة السنة الآن يتقول سي إن هذا الأمر دين يتمضغ أن cette chose الآن que tu vas étudier c'est du دين pas des mathématiques ou de la géographie. Maintenant, tu as un mudarris en mathématiques, maintenant, et il est mauvais. Ça ne va pas te faire un grand mal. Ça ne va pas te faire. Tu n'as pas compris les mathématiques, ce n'est pas la fin du monde. Amma, cette chose-là qu'on étudie, nous, c'est du din. Si tu tombes sur un mauvais professeur, tu t'égares dans ton din. Wal'ayadu billah. Enfin, c'est grave. Inna hadha al-amr din. Fanzuru amman ta'khudu dinakum. Et Mohammed ibn Sayyid rahimahullah, il te conseille, fanzur, fais attention vers qui tu prends ce din. Ça te montre, Hadas, ce n'est pas tous ceux qui enseignent qui sont à l'al-haq. Abadan. Ça, c'était à l'époque du Sahaba. Amma l'an, ikhtalatat al-umur. Comme a dit le Nabi sallam, ikhtalatat hadhihi al-umma ala 73 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida. Al-an, anta, tu vis dans une umma avec 73 groupes. Tous ces groupes, ils sont égarés, sauf un. Ça veut dire que beaucoup de modarris, beaucoup de professeurs, beaucoup de machaïrs qui vont donner des cours et l'akhiré, qu'à tel minimum tu vas trouver, Foulan ça va être un tablighi, Foulan un ikhwani, Foulan un takfiri, tu dois faire attention, anta. Tu dois rechercher un modarris sunni. Et t'attends l'ilm inda. Hada c'est mohim jiddan. Léana, si tu as une bonne intention et tu es motivé, là que ton professeur s'est un égaré, tes forces elles vont aller dans l'égarement. Fantabih. Al-hadar, al-hadar. Hatta. بعض الناس يزون شبهة حتى في اللغة العربية بعض الناس يزون دي شبهة دي لكن مواش ببخون لغب فقط يا أخي لغب سمن دين الله عز وجل العربية العربية سي لغة القرآن السلفي دوني اون امبورتونس عظيمة للغة فكيف أنت كيف أنت تتوتوغيز اللغة العربية بعض الناس يتوتوغيز سا مبتدع مثلا سي نيكول دي خوان ou c'est un professeur, c'est un ikhwani ou un takfiri, il s'autorise, j'apprends que la langue arabe. Qui c'est qui t'a dit que c'était autorisé? Inna hadha al-amr din. Fanzuru an man ta'khudhu dinakum. Hakada dit al-salaf. Est-ce que les salaf ils ont dit là la langue arabe est juste? Abadan. Abadan. Al-salaf comme tu le sais, al-Qur'an. C'était des ulama, a'imma. Ils ont la capacité de repousser les choubouhans. Avec hada, une personne elle vient, min al-mubtadi'a, il lui récite un verset, il se bouche les oreilles. Verset min al-Qur'an. Il n'y a aucun mal à un verset. Lakin, a'imma al-salaf, ils avaient peur pour leur dire. Il sait que hada al-mubtadi'a, il va commencer par un verset et il va enchaîner. Un verset, demain un autre, après demain une explication et un jour l'égarement. Il ferme la porte. Mais Mahmoud, tu trouves le meskin. Il n'a pas d'ilm pour se protéger. Tu trouves, il va. Et j'apprends la langue arabe chez Foulan. C'est un mubtadi'. Et il dit là, c'est que la langue arabe. Abadan, il t'apprendra que la langue arabe. Il va t'apprendre la langue arabe et des choubahs. Et toi, tu n'auras pas la différence. Ou l'ayadou billah, c'est un bœuf d'égarement. Bah, écarte-toi. Apprends l'arabia inda ahle sunnah. Apprends l'arabia. S'il n'y a pas ahle sunnah, adou Allah azza wa jal qui te facilite. Amma, tu vas dans un bœuf d'égarement et tu veux prendre du khayr, c'est pas possible. Là. C'est comme une personne qui est malade et veut soigner avec du poison. Nafs al-shay. Sahih. Il va dire, Anna, je vais essayer. Là, t'essayes pas. Tu prends à tariqa sahih. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل جباء أمتي فيما حرم عليها. Le prophète sallam il dit أن الله سبحانه وتعالى il a pas mis les causes ou les remèdes pour sa communauté dans une chose qu'il a interdit. Abadan. Tu peux pas soigner avec du khamr. Abadan. Tu peux pas soigner avec du poison. Abadan, ça va te faire du mal. كذلك tu peux pas soigner ton cœur avec أهل البدع. Abadan. والله ils vont te rendre malade. قال ابن عباس رضي الله عنه إن مجالسة أهل البدع ممرضة للقلوب. مجالسة. Tu t'assois avec lui, ton cœur il devient malade. Ma balouk, tu t'assois et tu prends l'ilm, que ce soit l'arabia ou autre. Abadan, c'était pas tariqat al-salam. Et هذا الموضوع يحتاج أكثر وأكثر لعل الله سبحانه وتعالى ييسر من كلمة خاصة في هذا. لأن هذا الموضوع il est طويل. Il demande beaucoup de choses. Enfin, nous, c'est une ishara faqat. عسى الله سبحانه وتعالى nous facilite. On fera un موضوع خاص في هذا. كذلك هنا quelque chose de مهم. إياك وإياك أن تطلب العلم بمفردك. C'est pas طريقة العلماء. طريقة السلف c'était pas tu prends العلم tout seul. لا. كذلك tu te feras du mal. Voilà aussi un bien. Tu verras que le mal, dans beaucoup de situations, il sera plus grand. Les anna anta, t'as pas le niveau. Peut-être que tu vas mettre tes forces dans une chose. Peut-être que tu vas concentrer tes forces une semaine, deux semaines, maintenant dans un hadith. À la fin, si tu auras pris l'ilm, il va te dire là, ce hadith est da'if. Peut-être que tu as un mois, tu as compris l'akhirah, tu veux appliquer ce hadith, un alim, il te montre, non, il est da'if. Tu auras pris l'ilm, tu sais que ce hadith est da'if. Enfin, tu le connais, tu l'apprends, si tu peux. C'est important de connaître le da'if, lakin pour faire attention. Amma anzar, si tu es tout seul, peut-être que tu vas appliquer un hadith da'if. C'est des khurafat, c'est des bid'ah, toi t'appliques. C'est important d'apprendre l'ilm عند أهله, عند العلماء. C'est pas conseillé d'apprendre l'ilm tout seul. إلا واحد, il n'arrive pas, il ne peut pas se déplacer. إلى آخره, فهذا, il fait les efforts qu'il peut. Et il demande. لأن الآن في هذا العصر, tu peux téléphoner, tu peux avoir contact. Voilà, ben, si t'appelles et tu demandes à un alim, moi je suis tout seul, j'habite matalan dans telle ville, dans tel pays, j'ai envie de l'obliger. Le alim il va te montrer, commence par kada. Dès que t'as un problème, tu l'appelles. Amma tout seul, sans contact, rien, wal'iyadu billah, ça peut être un bœuf d'égarement. Et on le voit. Comme a dit Jamal Taymir, fi kitab al-ilm, souvent il répète, Anna tu le vois, un talib ilm qui a étudié tout seul, c'est pas comme un talib ilm qui a étudié avec un alim. Abadan. Abadan. Tu vas trouver Talib qui étudie tout seul, il est hazil dans beaucoup de choses. Tu vas trouver, il a un va'af, il a une faiblesse. Mais maintenant, les anna l'alim, lui, il t'ochtasr le tariq. Les anna l'alim, lui, il a de l'expérience avant toi. Il a fait des erreurs que toi, tu ne dois pas faire. Il s'est trompé dans certaines choses. Ouais, il va tout résumer. Il va dire fais kada, délaisse kada. Anta, t'as plus qu'à avancer. Amma tout seul, là, tu vas faire les erreurs qu'ils ont fait, ceux d'avant toi. Fa talab al-ilm, c'est inda ahli. Ça montre l'importance de rihla. Et la barre الناس حقيقه نحن on est dans une époque où la fainéantise elle est انتشرت. بعض الناس مثلا dans son pays sahih il y a pas, لكن tu peux te déplacer ya akhi. بعض الناس ils se déplacent pour dunya. Fa anta al-an c'est du din. Tu dois faire des sacrifices. Fa ar-rihla c'est sunnat al-salaf, bal sunnat al-anbiya. Nabi Allah Moussa alayhi salam il s'est déplacé et عند الخضر. لأن الخضر il avait un ilm que Moussa il n'avait pas. Al Moussa il se déplace pour profiter de ce ilm. Anta kadhalik. Fa ar-rihla c'est muhim, se déplacer c'est muhim. L'ilm il viendra pas à toi abadan. Al-an, si on vient à voir les savants qu'il y a dans la communauté, tu trouveras il y a des savants dans ce pays, c'est pas partout. Enfin, tu crois que chaque personne, il y a un alim qui va se déplacer pour lui. Abadan. C'est toi qui te déplaces. T'estafid. Et après, bi'idnillah, tu propages un takadalik. Dhahab al waqt. Parti. Demain, bi'idhnillah. نعم أفني دماء إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.